C'est dans le cadre du festival Jazz en Touraine, mais sur la partie off, que nous nous retrouvons avec Julien. Alors, Julien, il est guitariste et chanteur du groupe Malabar, qui s'est produit ce mercredi 18 septembre près de la Tour Horto, donc à Amboise. Bonjour Julien. Salut. Alors Malabar, dis-nous, vous venez d'où ? Alors, on vient tous de Bourges. Enfin, on n'est pas tous de Bourges. Il y en a de Montluçon et de Bourges. T'as un petit accent qui n'est pas très Bourges ? Non, c'est sud de Bourges. C'est plutôt les Pyrénées Atlantiques. Hein. On est d'accord. Ouais, il y avait quelque chose de plus exotique. Alors, dis-nous, Malabar, parce que alors, je regardais un petit peu la manière dont vous aviez été annoncé. On nous parle d'une musique inspirée par le courant afrobeat teinté de funk et de disco. Voilà. C'est quoi le lien avec le jazz dans tout ça, dis-moi ? Alors ça, il faudrait demander ça au programmateur. Non, je pense qu'il y a un peu de jazz parce qu'il y a un peu de musique improvisée. C'est-à-dire que dans le répertoire, il y a des plages instrumentales qui sont prévues pour que les instruments puissent aussi être s'improviser sur certaines plages. Voilà. C'est quand même des chansons, mais avec des plages pour improviser. Donc les soufflants, le trombone, le saxophone alto, le saxophone baryton improvisent régulièrement. Alors justement, tu nous parles des instruments, tu peux nous présenter le groupe ? Alors nous avons David qui se trouve être le batteur du groupe, qui joue aussi des claviers. Donc c'est aussi sa particularité, c'est qu'il peut faire les deux en même temps. On a Ludo qui est bassiste, Michel qui est tromboniste, Pierre qui est saxophoniste alto, Antonin qui est saxophoniste baryton, puis moi je m'appelle Julien, je fais de la guitare et du chant. Et on chante tous, on fait des chœurs, tout le monde fait des chœurs dans le groupe. D'où le côté qui emballe vachement le public, parce qu'apparemment ça c'est une de vos cartes atouts ça. Ben, les voix c'est un atout, et puis en plus c'est aussi chaleureux, de suite on peut se lâcher, c'est important aussi pour que les musiciens fassent autre chose que leur instrument aussi, c'est important. Le fait de s'inscrire dans la programmation du 38e Festival de Jazz en Touraine, pour vous c'est quelque chose de chouette hein ? Ouais, c'est tout à fait quelque chose de chouette. On a fait une dizaine de concerts cette année, parce qu'on reprend un peu les activités après les avoir arrêtées pendant une année. On reprend un peu d'activité, c'est notre dernier concert de la saison et puis on est content de venir là et c'est des conditions qui sont chouettes et on est très content de venir découvrir un peu le public ici à Amboise. La création du groupe, tu m'expliquais hors antenne, c'était pendant la phase Covid. Ouais, pendant le Covid, moi je m'ennuie un petit peu, donc nos activités étaient un peu à l'arrêt, du coup j'ai composé des morceaux dans ce style-là que j'aime particulièrement, l'afrobeat, hein, c'est un courant qui vient de l'Afrique, plutôt du Nigeria, avec Fela Kuti. Mais bon, moi, du coup, c'est pas ma musique non plus. Donc, j'ai mélangé un peu de disco, un peu de funk. J'ai réuni les copains, des gens que je connaissais déjà. Eux ne se connaissaient pas tous. On a mis une petite année à monter le répertoire et on a commencé à jouer l'année d'après, quoi. Avec que des compos, on est d'accord qu'il n'y a pas de reprise. C'est que des compos. Le dernier morceau, le rappel, est une reprise. Où est-ce qu'on peut retrouver justement la musique de Malabar ? Il y a une page Facebook, un site internet. Comment ça se passe pour vous découvrir ? Alors, c'est compliqué parce qu'on n'est pas super doué, mais on a une page internet sur le site de la boîte à sourdine. C'est une production qu'on a donc montée il y a 2 ans avec mon collègue Antonin qui est au saxophone baryton. Et donc on a plusieurs groupes dans la boîte à sourdine, on s'en occupe. Et donc il y a Malabar, donc c'est la boîte à sourdine. Ok, super Julien, bah écoute, merci d'avoir pris quelques minutes pour Radioactive. Si on devait diffuser un titre de Malabar, là, on choisirait lequel ? On peut, donc vous pouvez les télécharger et puis aller écouter Ourselves, qui se trouve sur YouTube, donc à Malabar. Malabar, attention, ça s'écrit avec 3 A, il faut le dire, M-A-L-A-B-A-A-A-R. Du coup, tu me tends la perche, pourquoi ? Parce que... Alors si tu veux, quand tu t'appelles Malabar, quand tu cherches sur Google, bah, tu tombes sur quoi ? Sur les chewing-gums. Et après, quand tu continues à passer les pages, tu tombes sur les îles Malabar. Malabar. Et quand tu fais Malabar musique, tu tombes sur la musique traditionnelle des îles Malabar qui se trouve en Inde. Donc du coup, on a... Ça, vous en êtes rendu compte après avoir choisi le nom ? Assez rapidement, mais on aimait bien le nom. Donc moi, j'ai rajouté 3. C'est pas gagné que si on y tombe facilement aussi dessus. Hein. Donc il faut mieux aller taper dans la boîte à sourdine et là, on trouve tout, là, voilà, c'est ça. Eh ben écoute, on se quitte avec Malabar et puis bah on vous souhaite une très belle carrière et vous revoir prochainement dans l'Indre-et-Loire sur scène. Merci, avec grand plaisir et merci, bonne journée à vous. fucking money, let me come by leaving no sand. No need, no need for a magic man. We are our favorite labor brains, on which our future depends. So we can believe in ourselves. No need for the lies of a magic man. Can't believe in ourselves. No need for the lies of a magic man. We can't believe.